Donc, je suis directeur de recherche à l'IFSTAR, puisque c'est le sigle de cet établissement public scientifique et technologique récemment créé par la fusion de deux autres qui étaient liés à l'INRET, l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité dont je viens, et le laboratoire central de Ponts et Chaussées, qui étaient deux EPST. Et la deuxième chose, c'est que le colloque sur le tournant délibératif, donc, qui a lieu le 16 et 17 juin, et à l'organisation duquel participe le GIS que je dirige sur les GIS participation du public, décision, démocratie participative. L'appel à communication est clos depuis pas mal de temps. Par contre, le GIS organise son propre congrès au mois d'octobre, et c'est pour ce congrès où il y a eu à la fois une journée doctorale, deux journées avec des conférenciers invités, une journée d'études sur les effets de la participation, qu'il y a des appels à communication pour la journée d'études, un appel à communication pour la journée d'études, un appel à communication pour la journée doctorale, qui sont ouverts jusqu'au 20 mai. Voilà. Donc, mais le colloque sur le tournant délibératif, ça sera le premier qui se tient en France, qui fera un premier bilan. Et je peux annoncer aussi qu'à l'occasion du congrès du GIS, on crée une nouvelle revue qui va s'appeler Participation, avec un au pluriel, avec un S, qui sera édité par The Book et qui sera aussi en ligne sur Cairn.info. Dans les conditions de Cairn.info, c'est-à-dire que ça ne sera pas gratuit. Immédiatement, ça sera. Voilà. Et que les communications des deux journées, des conférenciers invités, formeront le premier numéro qui lui sera distribué gratuitement de la revue au moment du colloque du GIS qui a lieu du 18 au 21 octobre. 2011, hein, de cette année. Voilà. Donc, moi, je voulais revenir. Donc, pas traiter la question par laquelle Michel Barthélémy a terminé, qui est une question générale sur la question de la participation des citoyens au fonctionnement de la démocratie, qui est une question trop générale pour être traitée ici, mais plutôt traiter de la question des dispositifs de participation des citoyens aux décisions scientifiques et techniques, puisqu'effectivement, y compris dans le domaine des sciences, même s'il y a des résistances assez fortes, cette question d'un impératif participatif s'est largement imposée depuis quelques années. Donc je voudrais, à partir de différents travaux de recherche, plutôt parcourir un peu les formes que ça a pris, donc de faire un travail un peu simplement de description, de poser quelques éléments de description, alors qu'on pourrait l'aborder de manière plus théorique, mais je ne sais pas pris le temps d'écrire un papier comme l'a fait Michel, donc j'aurai quelque chose que j'ai essayé de structurer un peu, mais qui n'est pas écrit, parce que pour une bonne part, sur ces questions-là, c'est des travaux qu'on a démarrés il n'y a pas très très longtemps, ou qui n'en sont pas tout à fait au stade de l'écriture. Pour poser la réflexion, je pense qu'on peut partir d'un double constat. D'une part, un constat qui est valable aussi dans le domaine de l'aménagement, c'est-à-dire des grandes variétés, des formes de participation, qui indiquent qu'il y a effectivement un mouvement réel vers ce que, par exemple, Dominique Pestre, dans un article à Paraître, appelle un ordre participatif dans le domaine des sciences et des techniques, ou qu'on pourrait appeler une mise en participation de la science. Donc il y a un mouvement réel, mais qui prend des formes extrêmement variées, mais que cette mise en participation transforme sans doute assez fortement, assez, je pense, une des questions intéressantes dans le cadre de ce contre-sommet, les conditions de la résistance, finalement, à la progression des technosciences comme une des formes de la globalisation néolibérale. Et je m'appuierai là-dessus sur les réflexions auxquelles donne lieu notamment le développement des nanosciences depuis une dizaine d'années. Et donc, cette participation, parce qu'elle, justement, elle accompagne depuis l'origine le mouvement des technosciences, et c'est ça que je décrirai un tout petit peu, pose un ensemble de questions, et donc pose la question de quelle forme de participation avec cette question de manière récurrente et qui s'adresse à la fois au monde associatif, mais qui s'adresse aussi de manière plus spécifique aux sciences sociales. Est-ce que les sciences sociales ne sont pas aujourd'hui complètement embarquées dans le mouvement des sciences sociales et donc deviennent embarquées, embedded, et n'ont plus de capacité critique parce qu'elles sont embarquées directement dans les dispositifs de développement, dans le programme scientifique des nanosciences et des nanotechnologies. Les sciences sociales sont embarquées et la participation globalement des citoyens est embarquée. Donc ça conduit à un certain nombre de réflexions qui peuvent être des réflexions philosophiques. Par exemple, c'est une des questions, une des angoisses, d'une certaine manière, qu'exprime Bernadette Benso de Vincent dans son bouquin qui s'appelle Le vertige des technosciences. Vertige et technosciences, voilà, merci, qui est paru il y a un an, oui, à peu près un an, et où voilà, elle s'interroge sur ce mouvement qui embarque les sciences sociales et donc sur l'espace qui reste. En tout cas, c'est plutôt ça que je le ferai en m'appuyant beaucoup sur les travaux en cours de Brice Laurent sur les politiques des nanotechnologies. Donc il n'a pas encore soutenu sa thèse, mais il y a déjà beaucoup des matériaux et il parcourt c'est un bouquin vraiment extra d'une très grande richesse, une très grande profondeur. Il parcourt cette question, notamment il s'interroge à la fin sur les différentes formes que prend cette participation et les questions qu'elle pose. Donc je pense que ça, c'est une des choses intéressantes à la discussion, puis qui interroge directement voilà, le type de participation que peuvent avoir des associations dans aujourd'hui le développement de l'expertise, dans la régulation et la programmation de la recherche, qui sont des questions posées. Alors, je ferai donc simplement en trois temps. En premier lieu, je voulais simplement m'interroger sur les différentes figures de la participation des citoyens aux décisions scientifiques en regardant un peu ce qui se passe du côté de l'expertise. En deuxième temps, regarder un peu la question de l'engagement en amont des citoyens dans les programmes scientifiques autour du cas des nanotechnologies. Donc, revenir un peu là-dessus. Et puis, m'interroger donc sur la question des publics engagés et des différentes formes d'engagement des publics qu'on peut vérifier, notamment dans le cas des nanotechnologies. Alors, sur la question des différentes figures de participation des citoyens, donc, cette réalité du mouvement et cette grande diversité, mais cette grande diversité, finalement, on peut essayer de l'organiser, grande diversité de dispositifs de participation, cette grande diversité, on peut essayer de l'organiser autour de quelques figures. J'en retiendrai trois, puis j'en rajouterai une quatrième, en écho d'ailleurs à ce qu'a dit Michel Barthélémy sur les questions du long terme. Les trois premières qu'on peut voir largement à l'œuvre dans différents dispositifs, c'est d'abord la figure du profane, et avec les dispositifs associés de mobilisation des profanes, que sont les conférences de citoyens, et donc avec notamment une proposition de loi de la Fondation Sciences Citoyennes pour développer et institutionnaliser, sous le nom de Convention de citoyens, ces conférences de citoyens, mobiliser cette figure du profane plus systématiquement en institutionnalisant les conventions de citoyens. La deuxième figure, c'est celle de la montée en compétence des organismes de la société civile dans les conflits d'expertise, donc à un niveau local. Et donc on a vu notamment autour des agences d'expertise un mouvement d'évolution depuis une dizaine d'années qui accompagne les transformations même aussi des agences d'expertise, la création de l'AFCET début 2001, aujourd'hui transformée en ANSES par la fusion avec l'Agence française de sécurité des aliments, la création de la haute autorité de santé, d'autres créations de haute autorité, et donc avec des dispositifs dont sans doute le dispositif qui a été un peu médiatisé, ça a été ce qu'on a appelé les groupes d'expertise pluraliste, avec le premier cas étant celui monté autour de La Hague, autour des leucémies de La Hague, il y a déjà presque une quinzaine d'années, donc qui a fait l'objet d'un bouquin de Miseret, je ne sais plus qui, qui décrit ça, donc autour des questions du nucléaire. Et la troisième figure, c'est la figure qui prend la forme de programmes de recherche coopératifs et qui appelle à un renouvellement des questions de recherche par des questions venant de la société civile à travers la mise en place de programmes de recherche coopératifs. Alors, on a importé, la région Île-de-France en premier a importé du Québec les programmes qui au Québec s'appellent ARUC, qui en France s'appelle PICRI, mais ce type de programme, le ministère de l'écologie a développé depuis quelques années, peu d'années, un programme REPERE qui appelle le même type de montage où des laboratoires de recherche, pour soumettre, il faut associer un laboratoire de recherche et une organisation de la société civile pour proposer un projet de recherche avec la volonté de créer par là une plus grande capacité des organisations de la société civile à participer à l'orientation, à la programmation de la recherche. Donc on trouve ces trois figures. Je peux peut-être d'ailleurs m'arrêter à cette énonciation. Peut-être on peut simplement revenir rapidement sur chacune d'elles, sur la figure du profane. Donc elle a fait l'objet aussi de pas mal de travaux et d'interrogations. En tout cas, ce mot de profane s'est largement imposé dans les sciences sociales. Et ça a donné lieu à un certain nombre de réflexions et de critiques. Il y a un bouquin coordonné par Stéphanie Wojcik et, j'ai oublié son prénom, Fromentin, qui traite de ces questions, qui est paru il y a 4 ans, si je me souviens bien, et qui traite de ces questions du profane dans les sciences sociales et qui appelle évidemment pas mal de critiques. Je veux simplement le reprendre sous un aspect qui est la réflexion qui a été conduite justement dans le cadre d'une recherche PICRI entre la Fondation Sciences Citoyennes et un ensemble de chercheurs à l'École des Mines, au Centre de Sociologie de l'Innovation, mais qui associait plus largement, puisqu'il y avait dans le comité qui pilotait cette recherche, donc à la fois Michel Calon, mais aussi Marie-Angèle Hermite, qui a travaillé sur Sans contaminer, qui est une juriste, Dominique Rousseau, qui est un constitutionnaliste, et d'autres sans doute, et qui a un travail, donc, qui est le travail qui a été préparé, donc qui a donné lieu à un rapport en 2007, et qui a préparé la proposition de loi déposée ensuite par la Fondation Sciences Citoyennes sur les conventions de citoyens. Or, moi j'ai eu l'occasion de faire un article, ou au moins dans une partie de l'article, je critique assez la mise en forme qui a été proposée, parce qu'elle tend à durcir, et ça c'est assez... En France, on a eu tendance à fortement durcir la figure du profane, et notamment les dispositifs associant des profanes, en transformant ce dispositif des conférences de citoyens qui nous vient d'Europe du Nord, d'une manière assez française, qui essaye de créer, donc à travers cette figure du profane, un individu complètement coupé de toutes ses attaches. Alors, là, en disant ça, j'énonce une première chose qui est tout à fait importante, c'est qu'à chaque fois, un dispositif, c'est aussi la constitution d'un public. Et que la question de la participation, de manière assez générale, mais c'est vrai aussi évidemment dans le domaine scientifique, c'est toujours aussi la question de la création des publics que l'on veut associer. Et si je le prends comme ça à travers des figures, c'est parce que justement chaque type de dispositif appelle un type de figure de ce qu'est la société civile, de ce que sont les acteurs sociaux particuliers pour les engager dans un type de réflexion, un type de participation à l'élaboration des décisions scientifiques. Donc les conférences de citoyens telles qu'elles ont été pensées, notamment à travers cette recherche et dans la proposition de loi, elles visent essentiellement à permettre à des citoyens ordinaires de participer à l'élaboration de choix scientifiques et techniques, donc en prononçant un avis. Donc ça c'est le dispositif des conférences de citoyens, c'est un dispositif qui partirage au sort de citoyens, par un dispositif de formation de ces citoyens, les met en capacité d'interroger des experts sur une question et de délibérer après entre eux, et une fois qu'ils ont interrogé les experts, pour produire un avis sur des questions de choix scientifiques et techniques. Et ce type de dispositif de participation de citoyens ordinaires donc, a effectivement été mis en place au Danemark à la fin des années 80, essentiellement sur des questions scientifiques et techniques. C'est avec cette idée-là que sur ces questions-là, qui comportent un fort degré d'incertitude scientifique, les clivages et les positionnements des différents acteurs sociaux ne sont pas encore constitués. Et donc, on n'est pas dans une figure de conflit comme on peut avoir sur les questions d'aménagement ou sur les questions sociales, où on a des acteurs constitués qui rentrent en conflit, mais où les acteurs sont déjà constitués et ont déjà, sur toute question qui se présente, des positions relativement arrêtées depuis longtemps ou construites depuis longtemps. Et dans le conflit, elles peuvent bouger, mais on est déjà dans un système de positions fortement construites. Là, l'idée, c'est que face à des questions nouvelles, et les premières conférences de citoyens et le plus grand nombre de conférences de citoyens ont été sur la question des OGM, et notamment des OGM dans l'alimentation. L'idée, c'est que c'est des questions nouvelles où il y a évidemment déjà des intérêts qui existent, mais globalement, dans la population et dans le corps politique, les positions ne sont pas complètement construites. Et donc le problème, c'est bien de construire l'opinion publique en faisant appel à des citoyens ordinaires. Donc c'est tout l'intérêt de ces dispositifs. En France, donc, il y a eu une conférence de citoyens sur les OGM en 1998, dont beaucoup des acteurs, parce que déjà 1998, c'était beaucoup d'acteurs étaient déjà assez fortement constitués là-dessus. La Confédération paysanne, notamment, ça faisait quelques années, pas beaucoup, mais ça faisait quelques années qu'elle s'était saisie du problème. Donc les acteurs étaient constitués, la FNSEA avait pris position, etc. Donc beaucoup des acteurs ont considéré que la conférence de citoyens était une manière de contourner les acteurs sociaux et ont jugé que finalement la conférence de citoyens avait produit finalement un blocage complet et notamment à la suite de la conférence de citoyens, le compte-rendu qui en a été fait à la Cité des Sciences a provoqué une sorte d'explosion sociale et a bloqué la situation, la possibilité d'en discuter pendant un certain temps. Donc elle a été très contre-productive de ce point de vue-là. Voilà, donc la figure du profane, ça pose bien la question de quel rapport avec l'ensemble des autres acteurs sociaux. Et en France, on a durci ça, notamment dans la proposition faite par la Fondation Sciences Citoyennes, en insistant sur le fait que sur le déroulement de la procédure qui doit garantir qu'on a bien affaire à des profanes, donc à des gens qui n'ont aucun, qui ne sont pas des acteurs sociaux, qui n'ont aucun lien avec des acteurs sociaux. Et ce qui pose, ce qui est durci, évidemment, cette question-là de quel est ce type de public qui est construit par rapport aux acteurs sociaux qui se constituent à travers des syndicats, des associations, etc., et qui rentre en conflit avec d'autres acteurs, avec Monsanto, sur la question des OGM, ou avec les semenciers, etc. Donc ce type de dispositif et ce type de dispositif de participation a d'emblée soulevé cette question. Alors, c'est pour ça qu'on a trouvé à peu près à la même période, justement autour du conflit des mères en colère à La Hague, autour des leucémies d'enfants, d'un cluster de leucémies d'enfants qui avait été mis en avant par un médecin, Marie Viel, à la fin des années 90. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, qui est une des agences constituées une dizaine d'années après Tchernobyl pour justement complètement réorganiser suite à Tchernobyl l'expertise en matière nucléaire, essayer de la rendre indépendante du gouvernement, notamment en sortant du CEA tous les gens qui faisaient l'expertise pour les mettre dans une agence indépendante. Bon, et donc notamment la directrice de Annie Suger, qui était directrice de la radioprotection à l'IRSN, a proposé de monter un groupe d'expertise pluraliste, c'est-à-dire associant l'ensemble des acteurs en conflit à la définition du protocole d'expertise et la conduite de l'expertise. Donc c'est une expertise qui a été conduite pendant plusieurs années, et ce type de dispositif après a été répété dans quelques cas et a conduit un certain nombre d'agences à engager à partir de 2006 un mouvement donc qui les a conduits et qui a conduit quelques agences à signer entre elles jouer un mouvement collectif des agences publiques d'expertise pour une ouverture. Donc c'était juste avant, un peu avant le Grenelle, donc une charte de l'ouverture à la société, donc qui est pour l'instant signée par l'AFSET, l'INERIS et l'IRSN, et qui est en train d'être relancée actuellement, et avec donc une charte très courte, mais qui est des formes d'engagement que prennent et comme engagement premier, l'idée, le premier engagement, il y a 3 engagements pour améliorer l'évaluation des risques à travers un dialogue renforcé avec la société, et 3 engagements pour mettre en œuvre au sein des organisations l'ouverture à la société. Donc le premier des engagements pour améliorer l'évaluation des risques à travers un dialogue renforcé avec la société, c'est d'accompagner les acteurs de la société dans l'acquisition des compétences nécessaires à leur implication et prendre en compte leur contribution dans le processus d'évaluation. Donc c'est cette figure de la montée en compétences, donc, qui est une figure qu'on retrouve aussi dans toute la littérature sur la participation, notamment sous le terme d'empowerment, de mise en capacité, donc il y a bien là l'insistance, non plus sur l'idée du profane, de l'absence d'attachement, mais au contraire, le fait que participer, ça suppose d'être capable de monter en compétence. Ce qu'organisent aussi les conférences de citoyens, mais dans un processus fermé interne, là, il s'agit d'en faire un processus social ouvert, dans lequel les agences d'expertise, notamment, donc les scientifiques, sont appelés à jouer un rôle important donc qui est pas simplement un rôle de reconnaissance finalement qu'il y a des acteurs de la société civile, mais le fait que ces acteurs doivent pouvoir participer à la aux décisions qui résultent de l'expertise, donc participer au processus d'expertise, et que pour ça il faut accompagner leur montée en compétences. D'une certaine manière, dans la convention d'Aarhus de 1998, qui est donc la convention internationale d'une certaine manière la charte de l'environnement traduit constitutionnellement en France, il y avait cette idée du rôle justement des administrations et des fonctionnaires qui est en matière d'information sur les questions environnementales, qui doit être un rôle justement de mise à disposition active de l'information, ce qui pose rien que ce point-là pose à l'administration en fait des problèmes tout à fait insurmontables. Il ne s'agit pas simplement de produire l'information liée aux activités de l'administration, il s'agit aussi d'être capable de répondre aux questions des administrés et d'assurer que ces réponses puissent être comprise de l'ensemble des gens, ce qui supposerait une démarche proactive qui vient largement de démarches anglo-saxonnes, mais qui dans l'administration française il y a absolument personne pour qui est capable de prendre en charge ce type de choses. Ces questions de montée en compétences, vous voyez qu'elles sont pas d'une manière pratique, c'est des questions extrêmement complexes à mettre en œuvre, parce que ça suppose de vraiment changer les organisations internes. Et c'était l'intérêt d'ailleurs de cette charte, c'est de mettre en vis-à-vis à la fois des engagements vis-à-vis de la société, des engagements internes, pour pouvoir mettre en œuvre des engagements vis-à-vis de la société, de ne pas couper les deux. Ce qu'on fait très souvent dans la loi ou dans la réglementation française, on prend des engagements, mais on ne prend pas les moyens de mettre en œuvre les engagements. Et la dernière figure, donc, c'est celle par exemple des programmes PICRI ou du programme REPER, qui est une figure plus institutionnelle, mais qui part un peu du même principe, qu'il s'agit d'arriver à mettre en question de recherche des préoccupations sociétales. Et donc pour ça, il faut ouvrir les programmes. Et donc c'est une règle, par exemple, en dehors de ces programmes spécifiques avec des montages où il y a forcément un labo de recherche et une association, il y a aussi dans le fonctionnement de tous les programmes du ministère de l'écologie, par exemple, maintenant un double système de décision qui s'appuie à la fois sur un conseil scientifique et sur un comité d'organisation, et le comité d'organisation étant un organe qui fait une large place aux organisations de la société civile, aux grandes associations. Et donc, où on maintient l'indépendance du jugement scientifique, c'est le comité scientifique qui juge des projets, mais où la décision de financement des projets revient au comité d'organisation. Donc le classement des projets est fait sur des critères scientifiques, la décision de financer, et donc les possibilités de reclassement aussi, appartient au comité d'organisation. Donc ça, c'est dans tous les programmes gérés par le ministère de la Recherche. L'ANR ne le fait pas encore de manière complète, mais c'est des choses, je pense, qui vont aussi se faire du côté de l'ANR. En tout cas, du côté du ministère, côté du ministère de l'écologie, c'est des choses qui sont en place depuis maintenant plusieurs années. Donc on a ce mouvement où on voit bien. Donc à chaque fois, j'espère faire comprendre que les problèmes d'articulation que ça pose, chacune de ces figures pose des problèmes, est une certaine manière de prendre et de formaliser cette question de l'articulation et de la place des citoyens ou des organisations de la société civile dans le fonctionnement des programmes de recherche ou des programmes d'expertise. C'est pareil pour les instituts d'expertise. En général, ils fonctionnent tous sur un système avec des... Donc ça s'est traduit, cette charte d'ouverture pour les instituts d'expertise, ça s'est traduit par ces engagements, les mettre en œuvre, ça veut dire changer les structures et notamment ouvrir les conseils d'administration aux organisations de la société civile, ce qui était fait dans le cas de l'AFSET et aujourd'hui de l'ANSES, donc dès 2001, dès la création de l'AFSET, c'était prévu, c'était pas prévu dans d'autres organismes, donc il y a des évolutions un peu courtes, donc il y a ce premier niveau institutionnel. Après, le deuxième niveau qui est en train de se mettre en œuvre, c'est la participation à des comités d'experts. Donc ça pose cette question du statut des comités d'experts et du statut de représentant associatif dans les comités d'experts qui produisent des recommandations en matière d'expertise. Avec la question, en plus, que je n'aborde pas ici, des déclarations d'intérêt aujourd'hui qui prend une dimension évidemment énorme avec les affaires comme le Mediator. Récemment. Simplement, donc, un mouvement important, réel, extrêmement inégal, et qui à chaque fois pose des problèmes d'articulation. Une quatrième figure qu'il faut rajouter, sans doute, parce que je pense qu'elle va devenir majeure, ça se rattache à ce qu'abordait Michel en introduction sur la question du long terme. Et donc aujourd'hui, des réflexions alors de nature assez institutionnelle sur, par exemple, l'idée d'une académie du futur, sur comment, avec, je renvoie au petit bouquin de Dominique Bourg et Kerry Whiteside, Vers une démocratie écologique, qui paraît à la République des idées au seuil en octobre dernier, et qui donne lieu maintenant à un groupe de travail qui va faire des propositions institutionnelles. Il y a beaucoup de propositions institutionnelles qui sont en cours sur ce type de questions. Je signale que, par exemple, sur les questions de gouvernance environnementale, Sarkozy avait confié à un député UMP de la Meuse, donc du département qui accueille le laboratoire d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure, Bertrand Panchère, une mission sur ces questions de gouvernance écologique. C'est lui qui, après le Grenelle, avait piloté le groupe sur la question de la représentativité des associations. Donc il a produit un rapport avec des choses assez intéressantes autour de la question de la gouvernance concertée sur les questions environnementales. Ça ne touche pas directement aux questions de la science. Du côté de la fondation ex-Nicolas Hulot, Fondation pour la Nature et l'Homme, puisque Dominique Bourg est dans le comité de veille scientifique, il y a aussi une réflexion engagée suite à son bouquin pour faire des propositions institutionnelles autour donc de cette idée d'un nouveau Sénat ou d'une académie du futur pour prendre en charge les dimensions de long terme de la crise écologique, avec une idée centrale dans son bouquin, c'est que par structure même, la démocratie représentative n'est pas capable de prendre en charge les questions du long terme. On pourrait y revenir dans la discussion, mais c'est un apport de réflexion tout à fait intéressant. Et donc la question que ça pose, ça, c'est évidemment de ne pas aller vers ce qui a été, par exemple dans la réflexion dans Jonas sur le principe de responsabilité, l'idée d'aller vers un gouvernement des experts. Le risque là-dedans, c'est si on dit les structures représentatives ne sont pas capables de prendre en compte les questions du long terme, finalement seuls les scientifiques sont capables d'être en gros les porte-parole du long terme, et donc il faut aller vers un gouvernement des experts. C'est un discours qu'on entend autour de la question d'urgence écologique. Vous voyez que c'est un discours qui souvent pointe un peu avec cette idée. Donc, puisqu'il y a urgence écologique, eh bien, il faut des formes de régulation. Et d'une certaine manière intéressante, mais assez contradictoire, le GIEC va représenter des formes comme ça, une forme d'expertise mondiale, alors qui est assez large et puis qui a plusieurs étages. Il y a l'étage des scientifiques, il y a l'étage des gouvernements, et donc il y a toujours retraduction de ce que disent les scientifiques dans des recommandations par les gouvernements. Mais voilà, est-ce que ça doit conduire à des formes de régulation qui sont aux mains des experts? Et si on ne peut pas complètement éviter une place très importante des scientifiques dans la régulation de ces phénomènes liés à la crise écologique, et pour dire ce qu'il en est, mais aussi parce qu'on les engage vraiment comme experts. Il ne s'agit pas simplement de dire la connaissance de cause, il s'agit bien de s'engager sur le futur, de faire des prévisions, de dire un peu. Et donc on les engage aussi sur les mesures à prendre. Donc ils sont vraiment engagés assez fortement. Ça pose bien le problème d'un contrôle démocratique. Et donc c'est ça qui pose un problème institutionnel assez compliqué finalement. C'est comment penser des institutions pour penser le futur, où donc les scientifiques ont un rôle, jouent un rôle important, mais quelle forme démocratique et donc quelle forme de contrôle démocratique. Et donc une des solutions imaginées, c'est justement de développer des mécanismes de contrôle avec des citoyens tirés au sort. Mais ça demande une architecture institutionnelle à laquelle il faut réfléchir un peu. Je vais aller un peu plus vite. Sur le deuxième point, qui est plutôt parler autour des questions d'expertise et des programmes de recherche. Alors, si on veut regarder plus précisément les programmes de recherche, le cas des nanotechnologies est sans doute un cas très intéressant, puisque toujours du point de vue de la participation du public, parce que finalement la question de la participation du public est concomitante des premiers programmes de développement des nanotechnologies. La loi américaine crée le programme de recherche sur les nanotechnologies en 2001, prévoit et rend obligatoire, sans préciser de dispositif, mais rend obligatoire la participation des citoyens à l'élaboration des programmes, en laissant assez ouvert les types de dispositifs. Mais il y a bien l'article 10 qui prévoit cette participation. Je n'ai pas mes notes là-dessus, donc je dis des choses un peu vagues, mais vous pourrez vérifier. En tout cas, dans les travaux qui ont été conduits sur les nanotechnologies, tout le monde à peu près dans les sciences sociales est à peu près d'accord sur cette idée-là, que bon, si on veut faire quelques grandes périodes depuis 1999, c'est-à-dire depuis le discours de Clinton qui lance le programme des nanotechnologies, donc qui devient une loi en 2001 aux États-Unis. On a une première phase qui est vraiment une phase de discours de promesse tenue par la National Science Foundation et ceux qui dirigent les programmes de nanotechnologie qui insistent et qui présentent l'importance d'investir dans ce domaine en déclinant tout un tas de promesses dans tous les grands domaines de la vie. C'est-à-dire ça va bouleverser la médecine, donc les questions de santé, ça va bouleverser les questions environnementales en donnant une maîtrise des questions énergétiques. Ça va bouleverser les questions de communication, en poursuite accélérée du mouvement de miniaturisation, et donc en augmentant les puissances de calcul, en augmentant la connectivité, etc. Et puis du côté américain, ce qu'on a pu retrouver dans les programmes en Europe, il y a cette insistance sur une convergence possible à l'échelle nanométrique, une convergence des grands domaines scientifiques que sont on parle de convergence NBIC, donc les nanos, les biotechnologies, les sciences cognitives, l'information et l'informatique et les sciences cognitives. Donc une convergence avec la possibilité, puisque à cette échelle-là, finalement, les frontières, quoi, ça va jusqu'à des discours qui insistent sur le fait qu'à l'échelle nanométrique, les frontières finalement entre le vivant et l'inerte s'effacent d'une certaine manière, et la possibilité donc de connecter du vivant et des structures atomiques élémentaires, et donc de faire des objets. Alors, une des caractéristiques que ça met en avant, qui a été fortement mise en avant dans les analyses de ça, c'est que d'emblée, la manière dont ce programme scientifique se présente, il ne se présente pas sous une forme disciplinaire, c'est au contraire très, très large, et il se présente directement comme un programme qui met en avant des objets. Le problème, c'est de prouver des propriétés d'objets à construire plutôt que de prouver des propriétés disciplinaires, donc ici des propriétés théoriques. D'emblée, la jonction entre une orientation fortement technologique de domaines fondamentaux de la science est faite dans les politiques des nanotechnologies. Donc, là-dessus, par exemple, Étienne Klein, au CEA, a essayé de définir les nanos comme étant un champ de recherche technologique fondamental. En jouant sur les deux, c'est ce qu'on oppose d'habitude, la recherche technologique et la recherche fondamentale, dans les nanos, sont d'emblée rejoints, parce qu'il ne s'agit pas tellement de prouver les propriétés théoriques, mais de produire des objets nouveaux en manipulant les atomes, atome par atome. C'est le sous-titre du bouquin de Manipuler le monde, atome par atome, le bouquin de Bernadette Bensaud de Vincent. Donc ça ouvre un champ de promesses énormément. Et évidemment, très rapidement, face à ce champ de promesses, il y a un ensemble d'alertes qui vont être posées en faisant notamment référence au précédent des OGM. Et la réponse à ces alertes, ça va être une réponse en termes de participation du public, en réaffirmant plus fortement que ne le faisaient et en mettant en œuvre ce qui était annoncé d'emblée dans les programmes. Et un moment important, par exemple, de ce tournant, ça a été... qui démarre dès 2002, mais c'était le rapport sur les nanotechnologies, l'important rapport de la Royal Society, qui a joué en fait en Angleterre un rôle assez important dans la mise en œuvre de la participation du public, puisqu'elle a même préparé ce rapport, donc qui sort en 2004, elle l'a préparé en 2003 par un ensemble de forums associant à la fois des organisations de la société civile et des citoyens à la production de ce rapport, et elle définit dans le rapport un certain nombre de conditions sur la participation des citoyens, et on passe dans le langage de cette idée qui est ressortie de la crise des OGM et surtout de la crise de la vache folle en Angleterre, d'un engagement des citoyens, de public engagement. Dans le rapport de 2004 sur les nanotechnologies, on va mettre l'accent sur la nécessité que cet engagement soit le plus en amont possible, justement, et qui que cet engagement puisse peser sur les orientations scientifiques et techniques. Depuis, en gros, entre 2005 et aujourd'hui, disons entre 2005 et 2008, par exemple, dans le cadre d'une recherche européenne, ils avaient recensé l'ensemble des dispositifs et ils ont trouvé une centaine, dans CIPAST, mis en place dans une trentaine de pays dans le monde. Donc on voit qu'il y a une réalité du développement de la mise en place. Alors ça dit rien sur le contenu. Nous, on a fait une petite enquête aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni, en France, pour interroger notamment les chercheurs qui avaient contribué à la mise en place de ces différents dispositifs. Finalement, ils pouvaient avoir finalement une évaluation assez critique de ce que ça avait permis, mais il y a eu une réalité de développement avec des grandes différences suivant les pays, mais globalement une évaluation finalement un peu négative, au sens où ça contribuait, beaucoup pouvaient juger que la mise en place de ces dispositifs avait en partie contribué à dépolitiser les problèmes, c'est-à-dire à techniciser les problèmes et pour une part à les dépolitiser. Alors on peut s'arrêter là-dessus en le reformulant un tout petit peu autrement. Autour de deux idées, c'est que beaucoup de ces débats ont très largement, et l'engagement des citoyens dans des dispositifs de participation a très fortement participé à un cadrage des questions autour de la question des risques. Donc finalement, les dispositifs sont constitués d'abord pour discuter des risques des nanotechnologies et non pas du programme scientifique. Donc ça contribue à déplacer la mise en œuvre de la participation, contribue à déplacer et donc à maintenir cette coupure. D'un côté, il y a le programme, et ce programme a des conséquences. Le problème, c'est de réguler les conséquences. Ce n'est pas de revenir sur le programme scientifique lui-même. Donc la dépolitisation, c'est ça, c'est cette idée-là. Donc plutôt que de politiser la science, ça produit un mouvement de dépolitisation au sens où ce qu'on politise, c'est les conséquences, les usages. On a fait l'an dernier nous une enquête auprès des chercheurs des labos d'Île-de-France en nanosciences. Ça va tout à fait dans le sens qu'expriment très directement les chercheurs, position extrêmement classique qui est de dire les risques et tout ça, c'est une question d'usage et nous on n'est pas responsable des usages qui seront faits de ce qu'on produit. Mais donc premier aspect, le deuxième aspect, c'est que cette participation, elle a été dite dans les programmes scientifiques autour de l'idée de l'innovation responsable. Et donc tous ces programmes ont mis en avance, en particulier en Europe, cette idée d'une innovation responsable, mais aux États-Unis et en Europe, mais dans les programmes de l'ADG Recherche, ce thème de l'innovation responsable est tout à fait central. Et l'ADG Recherche, en 2008, a fait une communication autour de l'idée d'un code de bonne conduite pour la recherche en nanosciences et nanotechnologies. Code de bonne conduite qui implique, dans un de ses articles, justement, que les chercheurs doivent se sentir co-responsables des conséquences, donc des usages qui sont faits des différentes recherches, idée qui, en France, se passe extrêmement mal. Donc on peut s'arrêter rapidement sur ces deux points. Sur la question du centrage sur les risques, on voit aux travaux notamment d'un chercheur anglais, Brian Wynne, qui a fortement critiqué ça, avec cette idée que derrière finalement ce centrage sur la question des risques renvoie finalement fortement à ce qu'il lui a appelé le modèle du déficit, donc une conception des rapports de la science et de la société sur un modèle du déficit, avec d'abord le modèle classique de la compréhension publique des sciences, qui est un modèle du déficit de connaissances. Finalement, donc le problème, c'est celui de la vulgarisation. Donc la réponse, c'est celle de la vulgarisation. Donc ça, c'est plutôt les années 80. Ça avait été assez fortement formalisé, justement, par la Royal Society. Et puis, après, notamment autour des crises de la vache folle en Angleterre, la thématique a été revue. Et c'est plus la question simplement d'une crise, d'un déficit de connaissance du public, l'accent est mis plutôt sur l'idée d'un déficit de confiance. Donc le problème, c'est de rétablir la confiance entre les institutions scientifiques, entre la recherche et le public, et la participation du public est la réponse à ce déficit de confiance. Et aujourd'hui, je pense que autour du thème de la responsabilité, d'une certaine manière, c'est une manière de redire, je vais y revenir, notamment dans les travaux d'Étienne Klein et de son labo au CEA, c'est une manière de dire le problème aujourd'hui, c'est un déficit de responsabilité du public, parce que le public ne veut pas adhérer à l'entreprise scientifique. c'est formulé comme ça dans un des rapports de Klein au CEA. Simplement sur la question de ce modèle du déficit, ce que pointe fortement Brian Witt sur la question des risques, c'est que finalement, justement, en centrant sur la question des risques, et ce qu'on fait, c'est qu'on tend à centrer uniquement justement sur les problèmes de consommation. Donc on déplace le fait de centrer sur la question des risques, déplace les problèmes sur les questions sur les questions privées de consommation et sur les questions de régulation juridique de la consommation. Et on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'organisations de la société civile qui se sont engagées dans cette voie-là il faut étiqueter les produits nano, par exemple. Voilà. L'objet, ça va devenir... Et donc, étiqueter les produits nano, c'est pas simple, il faut être capable de les définir, etc. etc. Donc, ça demande beaucoup de travail, mais l'objectif... Et donc, ça, c'est typique de la centralisation. Quand on centre le problème sur les risques, finalement, on favorise ce mouvement qui tend à transformer le problème, quoi, ou à définir le problème, à construire le problème comme, en le construisant comme un problème de risque. C'est un problème de protection contre ces risques, et donc ça ramène ça dans le domaine de la sphère privée, de la consommation, plutôt, et donc on n'est plus du tout dans le domaine de la science. Dernière chose sur la question de la responsabilité. Dans les discours, donc dans tous les discours, donc le thème de l'innovation responsable, il apparaît sur les nanotechnologies dès 2002 dans différents discours, à la fois des promoteurs des nanotechnologies, de chercheurs, promoteurs au sens des promoteurs des politiques de la science, de chercheurs. Et ce que ça nous dit un peu, c'est du côté de certains promoteurs, notamment des promoteurs les plus visionnaires qui poussent les nanotechnologies un peu comme une prophétie de bonheur, ce que note d'ailleurs Bernadette Benson de Vincent dans son bouquin à propos de Drexler, qui a créé un Center for Responsible Nanotechnologies, justement, c'est que toutes les phrases des rapports produits par ce think tank qui pousse au développement des nanotechnologies, ce sont des phrases qui sont construites sur des formes où les nanotechnologies vont advenir. Et donc le problème, c'est de préparer le public, c'est de préparer l'opinion au fait que les nanotechnologies vont advenir. Et donc l'objectif, donc, quand on construit le programme comme quelque chose qui doit, le programme scientifique, comme les nanotechnologies vont advenir, c'est, donc on n'est plus dans les si alors, on est toujours dans des quand alors. Et donc on voit, ça c'est assez typique, Francis Château-Reynaud, mon labo à l'école a pas mal travaillé sur ces questions de prophétie, de modalités d'engagement du futur, et on voit tout à fait ça avec des annonces. Et donc si vous regardez un peu les annonces d'ailleurs qui transparaissent dans la presse, on a toujours des annonces qui nous disent que les choses vont advenir, mais sans jamais préciser de date, etc. Donc on est toujours dans un futur indéterminé, mais on annonce, et donc c'est une manière de prophétie autoréalisatrice qui annonce que les choses vont advenir. Et donc ça désigne alors un public comme opinion qu'il s'agit de préparer. Dans une autre manière de prendre le problème, et donc c'est bien au nom de la question de la responsabilité, notamment des scientifiques, c'est de préparer le public à ce qui va advenir, à cette révolution qui va advenir. Une autre manière de poser, notamment si on regarde les travaux d'Étienne Klein et de son labo au CEA, le LARCIM, donc il y a cette idée que dans un rapport qu'il a fait en 2007 sur la manière dont le CEA doit se positionner sur ces questions, notamment de participation du public, mais d'éthique aussi, etc., sur l'ensemble des questions soulevées par les nanotechnologies, il y a cette phrase notamment: le citoyen ne doit pas seulement consentir, il doit aussi adhérer à l'entreprise scientifique. Donc, il y a cette idée qu'il faut que le public adhère à l'entreprise scientifique, donc ça renvoie d'une certaine manière à l'idée d'un déficit de confiance, et donc ça les a conduits à, notamment dans le débat public qui a eu lieu en France en 2009, à dire en gros il faut distinguer deux publics distincts. Il y a un public qui est assez spécialisé, qui peut être ouvert à des organisations de la société civile pour traiter des problèmes de régulation, de recherche et notamment du transfert de la recherche vers l'industrie, donc public qui va impliquer des technologues, des politiques, des associations spécialisées sur ces questions. Et puis il y a un public plus général de profanes qu'il faut informer. Donc il faut associer un public spécialisé et puis informer un public plus général. Et puis une troisième manière de prendre cette question, c'est à travers tout un tas de programmes conduits dans le cadre du 6e et du 7e PCRD. La DG Recherche a synthétisé l'an dernier une partie de ces programmes en mettant l'accent sur la question de co-responsabilité des scientifiques. C'est-à-dire justement, on n'est plus dans un modèle linéaire de la science, donc il n'y a plus de séparation possible entre le rôle clair dans un modèle linéaire de la science. Il y a la science fondamentale, la science appliquée, le développement technologique et puis la commercialisation. Et donc les rôles sont bien distribués. Et en disant aujourd'hui, on n'est plus du tout, avec la technoscience, on n'est plus du tout dans le genre de séparation claire des rôles. Et donc il faut inventer une forme de co-responsabilité sur l'ensemble de la chaîne. Et ça suppose évidemment des formes de participation du public qui doivent être les plus ouvertes possibles. Et donc il préconise, et donc il y avait eu tout un tas de recherches faites sur différents types de dispositifs pour multiplier les formes de participation du public au traitement des questions technoscientifiques et articuler ces différentes formes de participation. Donc ils n'arrêtent pas tel ou tel dispositif, mais ils disent qu'il faut systématiquement, la mise en œuvre de la co-responsabilité suppose de développer un système et d'articuler tout un tas de dispositifs de participation du public aux différents moments de la chaîne. Ce type de proposition en France n'a pas reçu beaucoup d'écho. Quand il y a quelques années au CNRS, ils avaient fait Catherine Bréchignat qui avait sur ces questions de participation du public tenu des discours absolument hostiles. On est encore assez fortement en France, et ça ressort bien dans l'enquête là qu'on a faite sur les nanosciences. Les chercheurs s'abritent derrière un discours qui sépare fortement les rôles. Il y a la science fondamentale. Et donc, je dis ça, mais je pense que tu pourras réagir dessus. Parce que, voilà, autour de cette idée de l'indépendance des scientifiques, c'est-à-dire l'affirmation de l'indépendance des scientifiques. Ce qui, aujourd'hui, quand on parle de les technosciences, ça veut dire qu'il n'y a plus d'indépendance des scientifiques. Les scientifiques, comme le public, sont pris, comme les sciences sociales d'ailleurs, sont pris dans un mouvement d'ensemble qui ne leur réserve pas une place indépendante des autres. Et technosciences sont intéressantes pour ça parce que justement c'est un programme qui affirme d'emblée une orientation technologique de la science fondamentale. Et donc en ce sens, en tout cas la question de l'indépendance est fortement transformée. On ne peut plus la penser comme on pouvait la penser dans un modèle linéaire de la science qui séparait clairement une science fondamentale assez abstraite et puis assez loin finalement dans la chaîne du développement technologique. Je vais m'arrêter là. Juste pour conclure, dire que donc, l'ensemble de ces questions, donc ça met si on revient du côté des organisations de la société civile ou des publics, donc on a des dispositifs qui à chaque fois construisent des publics, que ça soit les dispositifs de participation, que ça soit aussi la manière de construire les programmes scientifiques qui distribuent des rôles et construisent des publics. Et donc, dans les formes d'engagement des publics, on a vu finalement, d'une certaine manière, apparaître des différents rôles. Et Brice Laurent en retient trois. Un rôle, justement, de mobilisation sociale pour le traitement des risques. On va retrouver à la fois des fédérations comme France Nature Environnement, la confédération, la CLCV du cadre de vie, etc., dans un rôle classique où on va traiter ces risques, on va s'investir dans le traitement de ces risques. À l'opposé de ça, on va avoir la remontée d'une critique radicale de la science, avec notamment Pièces et Main-d'œuvre à Grenoble, qui met en avant l'idée d'une enquête critique, qui a remis en selle ce qu'avait en France a eu très peu d'écho, peut-être plus en Angleterre, le ludisme, donc les briseurs de machines du début du 19e siècle, etc., qui se rattachent à ce mouvement-là, mais une critique extrêmement radicale, mais qui met au centre finalement de sa critique l'idée qu'en refusant les nanotechnologies ou les OGM, donc ce qui regroupe sous le terme de nécrotechnologie, ce qu'on refuse, c'est le monde qui va avec, donc c'est la technoscience, c'est ce monde, un monde de contrôle, donc une critique très radicale qui voit dans les sciences sociales alors uniquement un discours de l'acceptologie, et donc ils accrochent tout le monde. Moi, je me suis fait accrocher, Francis, Château Renaud, dans tout le monde. Tout le monde. Absolument tout le monde. Mais qui pose, ces questions. Voilà, ils accrochent tout le monde, puisqu'ils tiennent un discours qui est effectivement toujours à la limite de l'attaque perso. Pas à la limite. bon, qui est nominative, mais qui n'est pas forcément de la, donc qui est avec beaucoup d'arguments ad hominem, mais c'est une forme de critique, l'argument ad hominem, qui est assez répandu en fait. Donc il y a une position qui est en tout cas pour un sociologue intéressante à relever, parce que c'est l'émergence d'un type de critique radicale qui refuse justement d'être prise et qui essaye de réfléchir à comment, quel point d'appui on peut avoir pour une critique. Notamment, ils essayent de construire l'idée de fort intérieur, etc. Finalement, le fond de leur position, c'est de dire, avec tous ces programmes, ils veulent savoir ce qu'on a dans nos têtes, etc. Et donc, le seul point de résistance possible, qui était le fort intérieur, n'est plus possible. Donc, c'est pour ça que c'est d'ailleurs un mouvement qui idéologiquement se situe, est compliqué à situer, parce qu'on peut lui trouver des racines. Des racines chrétiennes assez réactionnaires, etc. Donc, qui est compliqué, mais qui est assez intéressant, parce que je pense qu'il pose assez clairement la question de quel point de résistance on peut avoir quand on a un mouvement globalisant qui embarque l'ensemble des formes de critique classiques, qui les embarque dans le programme. Et donc qui se retourne notamment contre toutes les fédérations environnementalistes, tout ça, qui sont embarquées dans le programme, et donc qui les considèrent comme complètement embarquées dans le programme. Et puis la troisième position, c'est celle d'associations, alors je pense comme la Fondation Sens Citoyenne, comme Vivagora, qui essaye de participer à la constitution des nanos, c'est-à-dire conjointement à la construction des problèmes et des publics qui vont avec, en mettant l'accent sur les questions de veille citoyenne, notamment à travers l'information, la production d'une information engagée à travers la veille citoyenne. Alors, il y a des modèles du type InfoGM fait tout à fait ça aussi. Donc c'est aussi de nouvelles formes d'intervention, je pense, qui sont assez intéressantes à regarder et qui renvoient pour une part à cette idée de montée en compétence, à la figure de la montée en compétence que j'expliquais au début, avec le fait que dans le cas des nanos, on ne peut pas avoir constitution comme il y a eu avec la CRIRAD ou des choses comme ça, de laboratoire indépendant, parce que ça demande un outillage scientifique extrêmement lourd, et donc on est dans des figures un peu différentes, et donc une insistance, quand il n'y a pas de possibilité de fabriquer de manière simple des laboratoires indépendants pour produire cette information, une insistance sur les formes de production d'informations, de veille, d'organisation de forums, etc., pour arriver à constituer les problèmes. Donc voilà, je termine là-dessus, excusez-moi, j'ai effectivement été très long. Tendance à être bavard, mais qui, voilà, c'était mon idée, c'était d'essayer de voir que finalement les positions, ces questions-là, aujourd'hui, on ne peut pas les regarder de manière trop simpliste, parce que justement, c'est la construction des problèmes, c'est aussi la construction des publics, la construction des politiques se fait aujourd'hui en construisant elle-même ses propres publics, et donc ça pose vraiment la question de quel type d'intervention pour peser et quel type de prise on a et quel type de résistance si on est pris dans la construction, dans les programmes de politique des sciences, et donc quel type d'extériorité on peut avoir par rapport à ça pour appuyer la critique. On a vécu toujours jusqu'à présent sur un modèle de la critique qui était un modèle où la critique était externe. Et nécessitait un point d'appui extérieur. Et aujourd'hui, on a des programmes de sciences qui, finalement, tentent d'embarquer dans le programme. Et les nanos sont un cas tout à fait intéressant pour ça, d'embarquer dans le programme toutes les formes de critique d'emblée. Et la question de la participation des publics pose tout à fait ça comme enjeu.